rapport, c'est important, qu'est-ce qui se rapporte à l'hypertension, au fonctionnement du système nerveux autonome, c'était une relation, c'était l'état diatonique. L'état diatonique était censé être tout et censé être pris par le feu pour faire une riche. Voilà, il est programmé. Comme M. Hendesh n'a pas donné ses devis, on ne va pas le décaler parce que maintenant chaque retard est comptabilisé. On ne va pas faire des faux pas. Donc, je vais commencer avec une troisième partie, concernant l'évaluation. Donc, il reste vraiment le cas de devis. Alors, ce truc fait partie de la troisième partie, c'est-à-dire le traitement de l'inflammation. Dans le traitement de l'inflammation, on va voir deux anti-inflammatoires, les anti-inflammatoires stéroïdiens et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec également deux exemples particuliers sur le plan pharmacologique. Et là, ce n'est pas des classes pharmacologiques, c'est plutôt des pathologies issues qui ont une origine inflammatoire. C'est la phobie lactique rhumatoïde et le traitement de la goutte ou la maladie du feu. Vous allez voir, c'est deux pathologies particulières avec deux classes pharmacologiques, les AIS et les AINS. On commence par l'AIS. Donc, le cours n'est pas de polycop, selon le souhait d'un étudiant. Comment ça se fait? Comment bon. Faites un échauffement des poignets. Ne vous en faites pas, c'est un truc qui est digeste. C'est un petit cours, c'est simple. Donc, on va définir grossièrement, je dis toujours, retenez le mécanisme d'action des effets indésirables. Pourquoi? Parce qu'on va revenir sur le fait à quel moment il faut les prescrire et comment ou à quel moment ne pas. Respire, c'est toujours, retenez s'il vous plaît, c'est les questions que vous aurez, 90%, c'est prescrire sous surveillance ou la proscrire. Beaucoup plus, non. Donc, petit acortinothérapie. J'ai pas le droit. Les anti-inflammatoires stéroïdiens. Les anti-inflammatoires stéroïdiens sont appelés également corticoïdes. Ou plus exactement, les glucocorticoïdes. Pourquoi ? À la différence des minéralocorticoïdes. Ou plus exactement, parce que les minéralocorticoïdes ne sont pas des anti-inflammatoires. Plus exactement, les glucocorticoïdes. Ils possèdent une structure apparentée. Ils possèdent une structure apparentée au cortisol. En grand terme, quelles sont les propriétés pharmacologiques après l'introduction? Propriétés pharmacologiques. Notez que ce sont des molécules dotées de trois propriétés. Ce sont des molécules qui possèdent trois propriétés. Je résultats, première propriété, sont les effets sur le métabolisme intermédiaire. Le bêta effet sur le métabolisme intermédiaire. Vous allez voir que les corticoïdes, comme un certain nombre de molécules, vont avoir des propriétés pharmacologiques. Pourquoi je parle de propriétés pharmacologiques ? Pour faire un peu le rapprochement à quel moment cette propriété ou ces propriétés pharmacologiques peuvent être exploitées en tant que propriété thérapeutique. Si vous m'appelez des neuroleptiques, les neurones avaient un certain nombre de propriétés dont la totalité n'était pas exploitée en thérapeutique. Et là, c'est pour faire la part des choses. À quel moment, quelle est la propriété qui est exploitée ? Quelle est la propriété principale qui peut être exploitée en tant qu'activité thérapeutique ? Et quelle serait probablement la propriété qui pourrait expliquer une activité latérale ou secondaire ? D'accord ? On parle de propriété et pas d'indication thérapeutique. Ça, c'est une grande différence. Il possède. D'accord ? À différentes doses, on peut avoir, je redonne, vous allez le revoir quand on fera les médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. J'ai pris l'exemple de l'aspirine chaque fois, et j'ai dit que l'aspirine, à faible dose, avait un pouvoir anti-agrégant, bactérien, avait un effet antalgique, antipyrétique et anti-inflammatoire. D'accord ? Mais ce qui peut être à une dose précise une activité anti-inflammatoire peut devenir un effet secondaire. C'est l'autre propriété, telle que l'effet anti-agrégant, deviendra un effet secondaire. Donc, la propriété pharmacologique est une chose et l'indication thérapeutique est une autre chose. On les exploite, mais à quel moment ? Là, j'ai dit que les propriétés pharmacologiques des corticoïdes étaient simples. Une activité anti-inflammatoire, une activité immunosuppressive et un effet sur le métabolisme intermédiaire. Et là, on revient, petit AG, j'ai dit, effet sur le métabolisme intermédiaire. Avant de noter, s'il vous plaît, je vous demande de suite parce que c'est un cours. À l'ensemble, vous n'avez pas besoin d'apprendre. Il y a bêtement parce qu'il y a une certaine légère. Les corticoïdes agissent à des endroits différents. Est-ce que c'est au niveau hépatique, au niveau musculaire ou au niveau du tissu adipeux ? Généralement, au niveau hépatique, les corticoïdes ont un effet néoglycogénique. C'est-à-dire qu'on a un effet anabolique. Par contre, les corticoïdes au niveau du tissu osseux, au niveau du tissu adipeux et musculaire, vous avez carrément un effet inverse. D'accord ? C'est un effet inverse qui est synonyme d'une activité catabolique. Donc, le même médicament a deux sites différents, a un effet anabolique et un effet catabolique. Et vous allez voir que l'effet anabolique et l'effet catabolique va expliquer certaines réponses des médicaments. Quand je dis anabolique, au niveau, quand je dis néoglucogénèse, c'est synonyme de synthèse de glucose. Et on a le droit de dire que les corticoïdes sont hyperglycémiques. On a le droit de dire que les corticoïdes sont diabétogènes. Ils peuvent. D'accord ? Et quand on prend, vous allez voir, de prime abord, sans voir les effets secondaires, quand on dit qu'ils accélèrent la dégradation de l'ARN et des protéines, sur le plan osseux, qu'est-ce qui va se passer ? Merci beaucoup, c'est une ostéoporose. C'est beaucoup plus une ostéoporose. Et c'est pour cela qu'il est. Il est quoi ? Déconseillé, merci beaucoup, de donner les corticoïdes à l'antenne et beaucoup plus chez l'enfant. Parce que ça va perturber le développement staturo-pondéral. Ça va altérer le métabolisme osseux chez l'enfant. C'est pour cela qu'on revient. Est-ce qu'on va se poser la question prescrit, ou prescrit sous ? Là, on va note tout simplement que les corticoïdes ont un double effet diamétralement opposé. Ils ont un effet anabolique et un effet catabolique. L'effet anabolique des hauts niveaux hépatiques et l'effet catabolique des hauts niveaux tissulaires, tissulaires osseux et tissus adipeux. On est bien d'accord? On est dans cette planche. Vous avez compris. Sur le métabolisme intermédiaire. Petit B, propriété, effet anti-inflammatoire. Effet anti-inflammatoire. Notez que les corticoïdes, donc là, on va citer les inflammatoires. Et la question va venir vers la fin. Agissent au niveau nucléaire, les corticoïdes agissent au niveau nucléaire en modulant la transcription donc la synthèse de nombreuses substances actives. En modulant la transcription, donc la synthèse de nombreuses substances actives. De quoi ? Lesquelles ? Quelles sont ces substances ? Ils stimulent la synthèse de la lipocortine. Inhibitrice de la phospholipase A2. Stimule à la synthèse des lipocortines, inhibitrice de la phospholipase A2. Les intérêts. L'inhibition de cette dernière, c'est-à-dire des phospholipases A2, l'inhibition de cette dernière, entraîne l'interruption de la synthèse des prostaglandines et des leucotriènes. Logique. Donc, l'inhibition du phospholipase A2 entraîne l'interruption de la synthèse des prostaglandines et des leucotriènes. des leucopriènes. L-E-I-C-O. Leucopriènes, ce sont des médiateurs transactifs dans le processus inflammatoire. Les corticoïdes également diminuent la libération de l'histamine et de la sérotonine. La libération de l'histamine et de la sérotonine par les mastocytes. D'où leur intérêt. Très bien, dans réaction. Dans le cas d'un réaction type A. Sensibilité. Les corticoïdes également retirés diminuent le chimiotactisme. En d'autres termes, on va le voir par un mécanisme, quand on fera le prochain cours, c'est un cycle, tout ça. C'est-à-dire la formation des quinines et la production de compléments. Formation de quinine et la production de compléments. Ainsi que l'afflux leucocytaire. Au niveau du siège ou du site inflammatoire ou du foyer inflammatoire. On est bien d'accord ? Les corticoïdes, quand on voit ce type de mécanisme, quand vous voyez le mécanisme, on va poser la question sur comment les corticoïdes peuvent-ils inhiber la libération de la sérotonine et de l'histamine. Généralement, qu'est-ce qui se passe quand il y a une réaction type A ? C'est les IgE qui vont provoquer quoi ? Une déstabilisation. Donc, les associations libèrent le contenu. Les corticoïdes vont faire quoi ? Stabiliser tout simplement la membrane. En stabilisant la membrane, ils évitent la libération d'histamine. Et c'est pour cela qu'on les donne dans les cas des réactions allergiques. Donc, ils sont indiqués dans les réactions type 1, mais également, ils peuvent être indiqués dans les réactions type uniquement type 1, si vous avez une question, voilà, vous ne pouvez qu'accrocher que type 1. Est-ce que les corticoïdes peuvent être utilisés autres que la réaction type 1, c'est-à-dire dans le cas de l'hypersensibilité immédiate. Oui, type 2 et 3 également. Ils peuvent tout pourquoi ? Parce qu'ils bloquent le chimiotactisme et inhibent donc la libération du quinine et du complément. Et la réaction 2 et 3 ne peuvent intervenir, ne peuvent se déclencher que s'il y a le complément. Voilà, donc on va stabiliser également la réaction type 2 et 3 en diminuant le processus de chimiotactisme. On est bien d'accord ? Troisième propriété, c'est un effet immunosuppresseur ou activité immunosuppressive sans S. Je me corrige. Notez que les corticoïdes diminuent quoi ? Et là, vous prenez, je cite, les marques sont tous des réactions qui interviennent et qu'on verra également dans un cours à part. ça en bilo. On enverra de l'immunosuppresseur. Donc, diminue la production des cytokines, en l'occurrence les ILA, la production de clonage des lymphocytes, l'activité des lymphocytes T alter, la production de traitement et la production des IgG. Et de ce fait, le corticoïde, quand on voit une telle activité, sont indiquées pour les maladies auto-immunes et dans les greffes. Ce ne sont pas des médicaments de première intention, mais également ce sont des médicaments complémentaires. Sur le métabolisme. Métabolisme. Oui, il y a des cultures belles. Quelle herde a aimé ? Quelle herde ? Allez, anti-inflammatoire. Très bien. Prescrive l'hypersensibilité type 1 ou 2. Bien d'accord. Propriété anti-inflammatoire, on peut la considérer comme une propriété étant la propriété principale. Maintenant, la première indication. Ce sont des anti-inflammatoires stéroïdiens. Il reste deux. Il y a un effet sur le métabolisme intermédiaire et il y a l'effet immunosuppresseur. Les deux. Métabolisme intermédiaire. Les deux. Voilà. L'effet sur le métabolisme intermédiaire ne peut être responsable cliniquement que des effets secondaires. Vous avez une hyperglycémie. Vous allez avoir également une hypertension parce qu'ils ont des corticoïdes, vous allez voir, ils ont un effet glucocorticoïde mais également minéralo. Donc il y a une rétention. C'est et de ce fait, la rétention rentrée, il y a une rétention d'eau et un risque d'HTA. D'accord ? Il y a une atteinte osseuse par une ostéoporose, donc ce sont des effets cliniquement. L'effet latéral peut-être qu'un effet immunosuppresseur parce que ce ne sont pas des médicaments de première intention dans le traitement des maladies auto-humides. Des médicaments de deuxième intention. Donc on a des problèmes avec cette maladie. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? physiologique, j'entends demander les effets indésirables. Donc, si on a bien compris les mécanismes, les effets secondaires vont découler d'eux-mêmes. Je dis bien un usage prolongé. Un usage prolongé peut causer. Un usage prolongé va causer quoi ? Un hyperporticisme. À quoi il est dû l'hyperporticisme ? À quoi il est dû ? Oui, et de ce fait, qu'est-ce qui va se passer ? Un feedback. J'ai dit que ce sont des médicaments qui sont apparentés au cortisol. Je n'ai pas donné cette phrase pour rien. Et de ce fait, il va se comporter comme il y a assez de cortisol, il va y avoir un freinage. On va faire par un feedback. Et là, on a un hypercorticisme qui va se manifester par quoi ? Généralement, on parle obésité facio-trochulaire. Avant, dans les anciens bouquins, on parlait des malades qui ont un coup de buffle. Le buffle, parce que c'est le buffle. D'abord, c'est le bison. C'est-à-dire, c'est un... il ressemble à peu près à... Un peu poilu, et qui n'a pas de cou. D'accord ? C'est ça, le buffle. Donc, il faut en dire beaucoup plus une obésité. Et ce qui n'est pas... Souvent, on le constate, on se trompe. Les gens qui ne connaissent pas... Quand ils voient un malade qui est traité par le corticoïde, je vais payer le pesticide. Je vois que je serai là. Alors que si vous faites ça, c'est de l'éponge. C'est une rétention d'eau qui se fait. Et maintenant, il y a, à titre d'information, il y a des produits qui sont vendus dans le commerce. Au niveau du fond vert, il a un séminaire. Je ne sais pas quoi. Puis en plus, il y a des longues ou jours ou deux. Donc ils mettent des cortisons. Voilà, ils gonflent. Ça, c'est très. Donc il y a des réductions, hein. Donc ça va. Parce que ça donne même un peu d'appétit. D'accord ? Et ça, c'est très, très mauvais comme effet secondaire. Et vous avez, j'ai dit, comme effet secondaire, un diabète. Le diabète, vous comprenez, parce qu'il y a un effet anabolique sur le foie, donc l'hyperglycémie. On a une ostéoporose qui est due à une dégradation rapide de protéines et des fractures qu'on voit souvent chez les enfants. On a un ulcère gastro-duodénal qui est dû à quoi ? Eh bien, on avait dit qu'ils sont inhibiteurs des prostaglandines. Et les prostaglandines ont comme activité au niveau de la muqueuse gastrique. Il augmente la sécrétion du mucus et diminue la libération d'acide ou la sécrétion de l'acide. Si vous n'avez pas de prostaglandine, c'est l'effet inverse. Le mucus disparaît et vous avez une hyperacidité qui entraîne une ulcération. On a des œdèmes par rétention. On a des donc il va faire une fuite. D'accord ? On a une hyperattention, une hypertension, parce que plus le corticoïde a un effet minéral au corticoïde prononcé, plus ses effets secondaires sont importants. Et le risque chez les sujets âgés, c'est les pneumopathies. C'est des accidents oculaires, soit glaucome, une hypertension intra-oculaire, soit carrément une cataracte. Et ça, on les voit beaucoup plus chez les sujets âgés qui abusent de corticoïdes. Même parce que beaucoup disent et font de la philosophie thérapeutique, qu'il est vraiment en sous-cutané, c'est rien du tout. En sous-cutané, très chimou. Ça va de façon systémique. Vous aurez toujours ces effets. Ils sont un peu moins dans le cas de la biodisponibilité, ils vont apparaître si on fait un usage prolongé. Si vous avez noté ça, on peut passer à autre chose ? Oui. Comme ils sont apparentés, l'organisme ne va pas reconnaître le médicament et par la suite il va y avoir un feedback qui va relâcher plus de cortisol. Erratum. Ça se mettra. En effet, c'est beaucoup plus. J'ai dit que ce sont des molécules apparentées au cortisol, et de ce fait, on parle d'un freinage. Le camarade hypophyso-surrénalien, par la suite, il va y avoir, probablement, on va avoir une libération de cortisol accru, qui va provoquer l'hypothèse. C'est l'ACTH qui est responsable. Ça, je dis un freinage hypophyso-surrénalien. D'accord ? Un freinage qui devient une libération. Il va y avoir, vous allez bloquer. Il va y avoir un blocage de la libération du cortisol qui va se manifester par une activité de la CTH. Parce que ça doit être hypophyso-surrénalien. Et de ce fait, vous aurez ce type d'ordre. Parce qu'il y a toujours, quand on dose, j'ai bloqué cette sécrétion de la cortisol. Non, normal. J'ai feedback négatif. Où est-ce sécrétion? سكريتي للسي تي اش ياثر على الكورتيزول يتسكري تاع الكورتيزول فهمتي تولي ايبر سيكريسيون نفس هضرتي نفس عليا ما كاين هضرتي نفس الهضره Les maladies auto-immunes, telles que par exemple les uvéites, le lupus, la maladie de parfois certaines pathologies, même on ne peut pas considérer comme ça comme étant une maladie auto-immune, par la maladie de Crohn, on peut dire corticoïdes, maintenant, dans certaines hépatites. Et on le donne comme substitution maintenant. Des pathologies dans les greffes. Quelle que soit la greffe. Mais toujours une thérapie de deuxième intention. Est-ce qu'on traite la maladie ou on traite la crise? C'est comme on a vu la part quand on a parlé d'épilepsie, est-ce qu'on traite la crise ou la pathologie? Quand on parle de crise, on donne le diazépam, le valium ou le rivotril. Les azules. Pardon? dans l'hôpital, on ne donne pas, parce que le salbutamol est un bêta 2 agréagique. Il est donné aussi bien dans l'état de mal que parfois en traitement, on recommande de prendre au moins 2-3 fois par jour, pas spécialement. La même chose, les corticoïdes généralement, et je l'ai dit, ne sont pas des médicaments qu'on peut utiliser facilement dans des gestes pathologiques inflammatoires aiguës. C'est-à-dire qu'on doit le donner pendant courte durée. Si vous le donnez trop longtemps, vous avez vu les effets secondaires. Je vais revenir sur les accidents vers la fin, je le dis maintenant. Généralement, on a moins de problèmes quand on donne des corticoïdes pendant les 3 premiers jours. Au-delà de 3 jours, les effets secondaires commencent à apparaître. Et le premier signe, c'est l'hypercortisone, ce freinage du cortisone sur la nerve se manifeste. Là, c'est le premier signe d'appel. C'est pour cela que vous allez voir, à la fin, en conclusion, je vais dire également autre chose. Vous n'avez pas besoin de noter ça. L'administration des corticoïdes peut se faire par différentes formes, aussi bien par voie orale, même sous forme. C'est-à-dire que c'est un médicament qui peut être utilisé aussi bien dans un but, retenez ces deux mots, soit systémique, pas objectif, soit, c'est-à-dire systémique, soit localisé, cutané, ophtalmique et auriculaire. On peut donner un médicament qui est un mélange d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Mais faites très attention à une seule chose, une recommandation, que pour l'histoire des eczémas, on ne peut pas, et vous n'avez pas le droit, d'indiquer systématiquement les corticoïdes. Parce que beaucoup de corticoïdes vont flamber les eczémas. Pourquoi ? Pardon ? Si l'examen est d'origine allergique, beaucoup de personnes, je parle beaucoup plus de femmes, surtout maintenant avec les produits, les détergents, quand ils utilisent, elles ont des démangeaisons. Et à force donc de trop gratter, ça donne des irritations, des eczémas. Là, c'est bon. Et si c'est d'origine fongique, elle est d'origine fongique, et bien vous allez flamber. Pourquoi ? Pardon ? Flamber, ça veut dire qu'elle va aggraver. C'est dû à quoi ? Très bien. Merci beaucoup. Vous allez bloquer les mécanismes de défense, l'immunité. Ils sont immunosuppresseurs. Le fait de bloquer les mécanismes carrément de défense, eh ben, l'eczéma va se multiplier et va s'étaler rapidement. Voilà, c'est également valable pour beaucoup de choses, même pour des simples, parfois, otites, dès qu'il va avoir une origine fongique. D'accord ? Vous avez tous, on a tous, je pense, on, tous, l'histoire du mal de la technologie, c'est les antigènes. Le fait d'abuser, il ne faut pas être extrémiste. Il ne faut pas laisser la confiture. Il ne faut pas également nettoyer la cellulite. Parce que qui est quand même un protecteur. D'accord ? Le cellulite est un médicament qui enlève les bouchons. Quand on a des bouchons, donc le médicament est cellulite. Donc, à force de gratter, chaque fois, quand on a des démangeaisons, et là, ça donne une prolifération également bactérienne ou fongique. Cela, il ne faudrait pas. Il ne faut pas être aux extrêmes. En conclusion, l'utilisation. D'administration, les corticoïdes doivent être prescrits par palier progressif. Ne jamais, en d'autres termes, ne jamais donner des corticoïdes en dose de charge. Le corticoïdes, la corticothérapie doit être prescrite par palier progressif et l'arrêt sera de la même façon par palier régressif. Quand on donne, on augmente les doses progressivement jusqu'à atteindre la dose maximale. Quand on veut arrêter, on n'arrête pas également brutalement. On n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit de donner des doses de charge et vous n'avez pas le droit d'arrêter brutalement le traitement. D'accord ? Ça, c'est les deux recommandations. Et la corticothérapie, pour qu'elle soit efficace, elle doit être réalisée par des prises, matinales. Par rapport au pic, vous avez la meilleure absorption, ce qu'on appelle le cycle. Elle est recommandée pour avoir une meilleure réponse. Si on veut avoir une très bonne réponse, c'est à ce moment-là. Et d'ailleurs, même beaucoup de médicaments que vous prenez, le lévothyrox, pour les problèmes de thyroïde, on le prend le matin. Il est recommandé de le prendre le matin. Certains médicaments ont cette fonction. Je vous donne des exemples, c'est pas la peine de vous donner toute la latitude ou pas. Il y a le CLSN, sur du bédrol, sur du trèfle, contensible, etc. Il y a des médicaments qui sont souvent même de romane, c'est les dermovales, ou pénidéval, qui sont également un mélange d'antiseptiques et de corticoïdes. Vous avez le diprostel, c'est un métazone. Un médicament qui est utilisé en suspension pour les gens qui ont des problèmes ou des rhinites allergiques auriculaires, c'est le Nasacort. C'est cette forme de ce spray. La question, qu'on a toujours, c'est de voir, c'est de voir souvent dans les ordonnances. Et beaucoup plus en pédiatrie, prescription abusive avec le corticoïde. Quel est le risque donné à des enfants une corticothérapie abusive? Et généralement, ce sont des corticoïdes qui sont associés à quoi? Merci beaucoup. À des antibiotiques. Qu'est-ce qui va se passer? Très bien, vous allez avoir l'apparition de résistance. Parce que les corticoïdes ont un effet immunosuppresseur. Et de ce fait, vous masquez, vous bâillonnez les mécanismes de défense. Donc automatiquement, on peut atténuer le germe sans pour autant le faire disparaître. On va bien réchuter la maladie. Pour cela, vous voyez très souvent des enfants qui font pendant cette période, ils font des rhinopharyngites répétées. Et parfois, on ne sait même pas ce qu'on les met systématiquement sous antibiothérapie, alors que parfois, il n'est pas nécessaire. Elles sont d'origine virale. À ce moment-là, s'il n'y a pas d'antibiotique, et pour résorber l'inflammation, l'irritation, et tout, on peut les mettre pendant 2-3 jours sous corticoïdes, ça marche. Mais le fait de mettre antibiothérapie, corticothérapie, ce n'est pas une très très bonne association. C'est pour cela également, je reviens aux questions. Vous avez un diabétique qui nécessite une corticothérapie. C'est un malade, je dis bien, quand je pose ce genre de questions, l'intérêt, c'est de ne pas parler d'un traitement à court terme. Ça ne pose pas de problème. C'est un traitement de 3 jours qui n'excède pas une semaine, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes. Si je dis qu'il y a une association diabétique, c'est-à-dire maladie chronique, vous avez également un malade qui est sous corticothérapie. Cela sous-entend que le malade est pas une pathologie chronique. D'accord ? Alors, quel est le choix, quelle serait votre attitude? Oui. considérer l'élément le plus simple, diabète type 2. Beaucoup plus. Est-ce que votre camarade, faire le régime suffit? Pardon? Votre camarade propose d'adapter la thérapeutique. Est-ce que c'est une prescription sous surveillance ou une proscription? Donc, camarade, vous entendez que c'est une prescription sous surveillance. Vous êtes d'accord avec votre camarade? Vous avez le droit de faire des dons. Mais là, ça ne pèse pas lourd. Si vous avez une idée contraire, pourquoi? On va en raisonner sur le fait toujours le rapport bénéfice-risque. Est-ce que le fait de résorber, de pallier à l'inflammation, tout en sachant que c'est une molécule qui peut être diabétogène et que son diabète peut être régulé par une adaptation physiologique, est réalisable? C'est dans ce sens, oui. C'est vrai. Non. L'effet diabétogène, vous avez deux. Moi, je vous ai dit le cas où vous avez un malade diabétique qui est diabétique sous traitement. Quand je dis que les corticoïdes sont diabétogènes, cela sous-entend qu'un malade qui est normal, s'il prend chroniquement pour une pathologie du système, il peut devenir. D'accord ? Ça, c'est un risque. Le risque chez ce malade, c'est de faire quoi ? Non. Vous avez un malade. Il vient vous voir, il est, vous l'avez mis sous corticoïde. C'est un malade qui n'est pas diabétique. Un malade. Qu'est-ce que vous faites ? G, non diabétique. Vous évaluez le risque. Parce que c'est un risque. C'est un effet secondaire connu. Ils sont diabétogènes. Je fais une surveillance de sa glycémie. Marlène, vous faites le régime. Je suis végétarien. Pourquoi? Vous mettez le matin sous régime alors qu'il n'est pas diabétique. Il a quel problème? Pas normal. Vous êtes d'accord ou pas? Vous avez la source, c'est de demander à ce malade de faire au moins une fois tous les 6 mois une glycémie. Quoi? Ça, c'est la seule chose. Maintenant, si vous constatez que le profil glycémique commence à apparaître, là vous avez le droit de le mettre, au lieu de le mettre systématiquement sous traitement, c'est de faire un régime. C'est la deuxième étape. Le diagramme. Maintenant, s'il y a une obligation de mise en place du traitement, oui. Deuxième cas de figure, on a parlé, c'est un diabétique. C'est un diabétique traité, équilibré. Il est sous corticothérapie. La corticothérapie va déstabiliser son diabète. Là, vous n'allez pas me dire que je vais faire une surveillance, il est diabétique. Donc, ce que je dois faire en première intention, c'est d'adapter. Je sais, je date, je fais quoi? Adapter. On augmente tout simplement les doses les doses d'hypoglycémie. Voilà. Vous êtes d'accord? C'est le même cas de figure, si j'extrapole, on est bien là, sachant que les corticoïdes peuvent provoquer une hypertension. Donc, un malade hypertendu du corticoïde, est-ce que c'est un malade non hypertendu et je le surveille? Automatiquement, si le premier je surveille sa glycémie, là je surveille sa tension, son profil. Maintenant, s'il est hypertendu, je fais une adaptation. Maintenant, la question, j'aurais aimé que vous la posiez, c'est monsieur, est-ce que il est obligatoire de mettre ce malade, ce diabétique, ou ce sujet hypertendu, ce corticoïde. Est-ce que je n'ai pas un autre choix? Ça, c'est la première question. Si ce mon malade peut avoir un traitement de deuxième ascension sans pour autant gêner ou aggraver ma condition de secondaire, si je peux le mettre que sous anti-inflammatoire non stéroïdien, je n'ai pas à le mettre sur corticoïde. Si la corticothérapie est nécessaire ou obligatoire, là, la surveillance devient une condition de secondaire. كيف إذا كانت الكورتيكوثيرابي نسيسير نديرو الكورتيكوثيرابي إذا كانت ماهيش نسيسير وعندو ألف كاين صح نديرو الستيرويدين ما نسيتش هادي مع إذا كانت كنحطو دوزيام أتونسيون معناتها جي في سكوندير نديروها هي خير. Est-ce que l'association corticoïde et antibiothérapie est une association nécessaire, c'est ça? Non. Ça, c'est une question qui piège. C'est pas une question qui piège. Elle n'est pas favorable. Vous êtes d'accord? Tout dépend, merci, du cas. Je voulais pas en parler, on peut en parler maintenant, si vous voulez. Quel est l'intérêt de mettre un anti-inflammatoire, quel que soit son origine, qu'il soit non stéroïdien ou stéroïdien, quel est l'intérêt de le mettre avec une antibiothérapie? C'est ça la question. Est-ce que le fait de mettre un malade, un sujet uniquement sous antibiothérapie, sans anti-inflammatoire, va gêner ou déranger l'évolution de votre traitement? C'est ça la question. On va faire sur tout le monde. Est-ce que le fait de donner à un malade, de la malade, vous le mettez sous antibiotiques? Point. Maintenant, touche un anti-inflammatoire. Non. Je dois le mettre sous anti-inflammatoire. Et si je dois, est-ce que ça va être un problème ou problématique? Est-ce que ça peut améliorer? Et dans quel sens? Sinon, quel est l'intérêt de cette association? Tout simplement. C'est pas vraiment le programme qui a causé, par exemple, l'origine de la maladie. C'est infectieux. C'est pas l'origine, votre camarade, tout dépend de la pathologie en elle-même. Mais là, le problème, c'est quel est l'intérêt de cette association. Ne peut être que si vous associez deux les mêmes effets. Là, c'est un effet. C'est tout. Si vous m'avez dit potentialisateur, vous avez tout à fait faux. Merci. Et là, vous avez deux effets diamétralement opposés. On n'a pas le droit de mettre les sièges pour associer, pour être celui pour prendre les mêmes. Quel est l'un? Oui, merci beaucoup. C'est une histoire d'efficacité. Mais dans quel sens? L'efficacité se résume en quoi? Ce sont deux médicaments qui agissent, qui ont des effets totalement différents. Non, c'est pas une histoire d'effet secondaire. Ils vont en quoi? C'est pas faux, mais c'est pas très scientifique, c'est tout. Votre réponse est juste. C'est-à-dire que c'est une réponse cartésienne. Vous avez l'entière de la main pour résorber la nation de la cause. Mais raisonnez, gardez dans le même esprit, c'est peut-être une histoire d'un jeu, mais c'est ça, en fin de compte. Quand il y a un processus inflammatoire, ça ne va pas aider. Monsieur, C'est sur le plan clinique, facilité. Non. Le processus inflammatoire est un mécanisme de défense. Mais après, maintenant, la question de notre camarade, c'est dire un anti-inflammatoire et un antibiotique. Ça ne comporte pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a la logique? Tout simplement. Parce que quand il y a un processus inflammatoire, le mécanisme de distribution se fait mal. Il y a des œdèmes. Donc l'antibiotique va mal diffuser. Pour qu'il y ait une très bonne diffusion, il faut résorber le processus inflammatoire. C'est comme si on ouvrait des portes. On diminue l'inflammation pour permettre à l'antibiotique d'atteindre le site et se concentrer mieux au niveau. C'est comme si vous faites une inflammation, vous repoussez l'inflammation. Vous avez un endroit, vous faites piquer par une abeille, votre œdème, vous avez la prière de l'huile, et donc tout ce qui peut venir de l'extérieur ne va pas atteindre le foyer. Il faut d'abord résorber l'œdème pour permettre une meilleure approche, une meilleure concentration de l'entreprise. C'est ça l'intérêt. C'est une forme de potentialisation. Une forme de potentiel qui permet aux antibiotiques d'agir plus facilement et de façon plus aisée. D'accord ? Mais c'est une arme à double tranchant. Même la matière ou la matière. Vous faites comme ça, vous coupez, vous faites ça, vous coupez. Là, vous diminuez indirectement les mécanismes de défense également. Tout ce qui est chimé par vous, vous le bloquez. Et c'est pour cela, je reviens, qu'il est indiqué. Quand on fera le cours d'antibiothérapie, il est dit que l'antibiothérapie n'a pas pour but, ça c'est la Dixit OMS, elle n'a pas pour but de résorber ou là de supprimer le germe. C'est pas ça. C'est d'atténuer la virulence pour permettre à l'organisme de se développer. C'est ça l'intérêt de l'antibiothérapie. Vous donnez un antibiotique à un malade pour permettre à ce malade, vous atténuez la virulence, pour permettre à ce malade de faire ses propres armes. C'est quand vous donnez des corticoïdes, vous supprimez l'armement. Vous rendez votre corps la Suisse. En d'autres termes, du chocolat. Et là, vous êtes. C'est pour cela que je suis toujours étonné de voir, voyez autour de vous, hein, vos frères, soeurs qui ont des bébés, à peine un tube détruit. On ne laisse pas les enfants se défendre. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, ils ne sortent pas. Ils sont confinés, les enfants sont confinés au cœur. On va quitter le dos, il y a des gens dans la barre. Kidjibo, tu vas mourir. Conclusion. Là, c'était. Ça, c'est des faux. Ça, c'est vraiment des éléments. Il faudrait apprendre à ouvrir des fenêtres, à l'aérer. Très bien, je viens. Il y a d'abord voir. Il chemine un peu la pollution. Et les cochonneries, qui font ses propres anticorps, même si c'est des mauvaises odeurs, et c'est ça le mécanisme de défense. On est bien d'accord? Avec peut-être une idée de ce que nous avons fait, c'est marrant, je sais que je suis. Alors, allez, je peux se l'abdomen.